L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Avec Aurélie Vandenborn, nous allons d'abord parler d'une actualité, ce qui d'ailleurs se fait en partenariat avec l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy Pontoise. Le prochain concert chanson française, je ne sais pas si c'est le bon raccourci qu'il faut faire, qui aura lieu le vendredi 9 mars avec sur scène Albin de la Simone. Il ne sera pas seul en scène, mais juste déjà nous présenter cet artiste qui a fait parler de lui encore récemment aux Victoires de la musique qui se sont déroulées sur les écrans de télévision il y a quelques jours de cela. Oui, complètement. Alors, c'est vrai qu'on est ravis de l'accueillir sur scène, en partenariat avec la Nouvelle Scène Nationale. C'est quelque chose qu'on souhaitait faire depuis très très très longtemps, puisque c'est un personnage, c'est vraiment un personnage, hein, Albin de la Simone, des textes grinçant, puissant, une très belle écriture, et puis il a été baigné comme ça dans l'univers du jazz tout petit, puisque son père était clarinettiste de jazz, arrangeur pour, et tu le sais probablement José, pour de nombreux artistes, parolier aussi, pour des gens comme Jeanne Chéral, Adrienne Poli, pour ne citer qu'elle, mais aussi Alain Souchon, Chamfort. Il est passé lui-même à la composition, à l'écriture, et il nous offre aujourd'hui un très bel album qui s'appelle L'un de nous. Album où il est question de femmes en particulier. Oui, alors c'est un grand sensible, Albin. Voilà, on a toujours l'impression qu'effectivement ces textes et ces musiques sont toutes douces, mais c'est vraiment un humour et une écriture grinçante, empreinte d'une noirceur en fait. Donc je vous invite à le découvrir sur scène, ça va être un très très beau moment. Un album d'ailleurs qui va sortir au cours de ce mois de février 2018, je crois savoir la date, c'est le 24, et album qui sera en partie proposé sur scène, si ce n'est que là c'est une formule plus complète, oui. Car ce n'est pas en voix piano qu'on va le découvrir, mais il sera entouré d'autres musiciens. Oui, complètement, ce sera un quatuor, hein. Ils seront quatre. Alors après il y aura une proposition artistique plutôt acoustique, mais il sera accompagné sur scène, ce qui donnera encore plus de relief en fait à sa musique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut vraiment aller le découvrir. Alors quand on parle de sa voix, car il y a une voix, ça n'est pas une voix forte au sens des chanteurs à voix ou des chanteuses à voix aujourd'hui, c'est une voix qui porte profondément à l'intérieur. Autrement dit, c'est le spectateur qui doit faire l'effort aussi de se rapprocher de l'artiste presque. Oui, c'est ça, c'est vraiment une rencontre. Alors lui, il est sur scène très naturel et en même temps c'est très intimiste ce qu'il fait, mais il faut aller le chercher, aller le découvrir. On pourrait le comparer à Vincent Delerme. C'est un peu ça. Il faut vraiment rentrer dans son univers, être attentif. Mais une fois qu'on est dedans, on se laisse complètement captiver. Il chante léger comme l'air, cet Albin de la Simone. La référence au jazz, elle est juste, puisqu'on dit, son histoire rappelle celle de Chet Baker pour les amateurs de jazz, même s'il y a des différences nettes. C'est celle d'un musicien de jazz qui finit par se découvrir chanteur. C'est précisément son parcours. Oui, complètement. Bon, il aura mis le temps, hein, mais c'est vraiment ses collaborateurs en fait qui l'ont révélé. Puisqu'il a vraiment écrit beaucoup, beaucoup de chansons et collaboré à des albums qui ont eu beaucoup de succès. Et c'est vrai que ce sont ses collaborateurs, notamment sa rencontre avec Alain Souchon. Ça l'a poussé vers l'écriture et il est enfin sur scène aujourd'hui en tant qu'artiste, interprète, compositeur. Pour nous préparer à ce concert, il y a une proposition d'un documentaire qui sera présenté et projeté au Forum de Vauréal la veille, le jeudi 8 mars à 20h, c'est cela ? Oui, pour le public qui souhaiterait assister au concert et qui voudrait en savoir un petit peu plus sur tout son travail d'écriture, mais aussi sa vie, c'est un peu un biopic, hein, sur Albin de la Simone. Il a été suivi pendant une année par Pauline Jardel, la réalisatrice, qui nous livre vraiment un documentaire intimiste, hein, à l'image de l'œuvre d'Albin de la Simone. Un documentaire qui dure 50 minutes. Concert qui, je le rappelle, aura lieu le 9 mars, vendredi 9 mars à 20h30, à l'apostrophe, Théâtre 95 à Cergy-Centre. On a bien entendu, vous avez bien entendu, Théâtre 95 à Cergy-Centre. Un concert qui nous proposera aussi également une première partie. Oui, alors c'est l'occasion de ce partenariat, c'est aussi de proposer une découverte locale, voilà, là, de mettre en lumière la scène valdoisienne, et on a choisi cette année de proposer Charlotte et Magone. Voilà, c'est un duo de pop cosmique, une révélation valdoisienne, puisqu'ils étaient accompagnés notamment par le Combo 95 pour le dispositif d'accompagnement Starter, et ils se sont révélés là, ils ont eu ils ont obtenu le prix Ricard, voilà, pour leur œuvre, leur dernier album en fait. À découvrir donc ce duo franco-israélien de cosmic pop. Ça va être très pétillant cette soirée, je le sens déjà, pour le vendredi 9 mars. Alors, poursuivons sur cette notion de partenariat entre la scène de musiques actuelles, le Forum de Vauréal, qui d'ailleurs vient de se transformer récemment en EPIC. C'est un changement de statut, ça change beaucoup de choses pour l'équipe du Forum de Vauréal. Alors foncièrement non, ça ne change pas beaucoup de choses enfin en interne, on continue de mener nos activités comme auparavant, c'est juste qu'on n'est plus mairie de Vauréal, mais voilà, au sein d'un EPIC. Sous la gestion de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. On change de dimension avec de nouvelles ambitions peut-être à la clé ? Alors le Forum 2 qui est prévu pour 2021, voilà, avec une salle de 800 places et un club de 250, effectivement un développement des actions culturelles, des partenariats et puis une préfiguration SMAC, donc scène de musique actuelle, ce qui veut dire une reconnaissance aussi notamment de la part de l'État. On parle de partenariat qui existe déjà, mais qui est appelé à se développer, me semble-t-il, entre le Forum de Vauréal, avec cette évolution, ces transformations à venir, avec la scène nationale, elle-même nouvelle scène nationale, Feriel Bakoury, partenariat soutenu, à développer, parce que la musique, c'est un des axes forts qui va animer toute l'équipe de l'apostrophe pour les années à venir. Tout à fait. Alors, sous plusieurs angles, puisque je rappellerai ici que je viens quand même d'un CDN où j'étais co-directrice avec un artiste musicien, en fait, et qu'on a créé un temps de théâtre musical. Donc, j'ai eu le temps de me former et d'apprécier et de vérifier la vertu des musiques, qu'elles soient savantes ou populaires, on peut le dire. Et c'est vrai que je m'en souviens encore, et je crois que c'est avec Aurélie, on s'est croisés à ce moment-là, quand j'ai fait mon dossier pour postuler, c'est-à-dire en novembre-décembre de l'année d'avant, je suis allée me promener sur le territoire, et je suis venue visiter le forum, et on s'est rencontrés à ce moment-là, sans que je me présente, je n'étais même pas encore dans la shortlist. Et donc c'est quand même un des premiers lieux où je suis venue, parce que je me suis dit, génial, il y a une SMAC, ça va devenir une grande SMAC, on va faire plein de choses ensemble. Pour moi, c'était évident. Alors comment ? Avec Aurélie et Hervé, qui n'est pas là, mais qui travaille avec Aurélie de manière très constructive. D'abord, moi, j'avais cette histoire du jazz, j'ai envie de dire, dans la scène nationale, dont le lien avec Albin de la Simone est assez évident à porter. J'ai fait une rencontre, j'ai fait d'abord la rencontre donc, avec Isabelle Méchali, avec qui on construit justement des partenariats aussi. Et elle se fait d'abord, du coup, par la réflexion sur les nouvelles musiques improvisées, dont certains projets seront en partenariat avec le Festival Jazz, mais avec lequel nous avons discuté avec Aurélie, puisque en effet le forum a, comme nous, des missions partagées avec l'agglomération, mais aussi avec l'État, sur la découverte de nouveaux artistes dans des résidences dont font partie Eve Risser et Coax. Ça, c'est une première chose. Faire découvrir les nouvelles musiques improvisées d'aujourd'hui. En France, on a des groupes très, très, très forts. La deuxième chose dont on discute, alors on dirait qu'il y a un peu deux angles, c'est qu'en effet, il y a un axe qui est jeune, on va le dire, on en parle beaucoup avec Aurélie et Hervé, qui est que ces fameux temps jeunes forts que j'ai déjà raconté ici un peu à RGB, j'imagine pas qu'il n'y ait pas, puisque pour l'instant il y a trois temps forts qui se dessinent dans l'année à chaque fois un concert, et qu'on réfléchit, alors j'ai envie de dire de manière très pratique, on se fait des listes, quels sont les rappeurs intéressants, maintenant on parle d'électro, que je suis allée il y a 10 jours voir Sopico, que c'était plein de jeunes, parce que le Forum de Vauréal, c'est plein de jeunes, et que du coup coup, c'était un super nouvel artiste de rap que j'ai trouvé vachement intéressant. Et parce que la discussion, et on l'a eu aussi avec l'équipe, avec Arnaud qui m'accompagne, c'est trouver en fait des artistes qui fassent partie de ces nouvelles cultures, même si elles sont plus tellement nouvelles, rap et électro, et qui ont aussi, j'ai envie de dire, une qualité artistique particulière. C'était le cas de Sopico, par exemple, il y a 10 jours. Donc du coup, on réfléchit sur cet enjeu articulé ensemble. Il y a aussi un partenaire fort dans cette histoire, c'est l'association La Ruche, qui fait des scènes ouvertes. Et c'est vrai que par temps fort, on imagine une sorte de partenariat avec un concert qu'on choisit ensemble, l'association La Ruche. Voilà. Et la dernière chose peut-être, c'est qu'on réfléchit aussi à des concerts plus grand public de façon générale, et que peut-être nous en ferions un dans la scène nationale au moment du 31 décembre pour faire passer le premier de l'an ensemble. Ça, c'est un scoop sur lequel on discute avec Hervé et Aurélie. Voilà. Donc si j'ai bien entendu, élargir effectivement les propositions musicales, y compris les styles qui étaient peu présents jusqu'à présent à l'apostrophe, je pense, quand on parle du rap, la culture hip-hop, l'électro, voire les musiques du monde, c'est un renforcement, un élargissement des musiques et donc des publics, c'est ça ? Alors, j'ai envie de dire que ça vise l'élargissement des publics, c'est sûr, mais ça vise aussi, c'est très lié de toute façon à la culture que moi, je me suis construite avec ma génération, parce que le rap et l'électro, ça m'est pas indifférent. Et donc, il y a à la fois un projet de conquête de public, mais en même temps un souci artistique qu'on partage beaucoup avec Hervé et Aurélie, et qui fait qu'on n'arrête pas de se faire des mails avec Elisabeth Boss et avec l'équipe de la scène nationale. Enjeu artistique, enjeu public mélangé, certainement. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut peut-être, ce qu'on peut dire de plus, c'est que peut-être que la musique peut être en effet l'un des arts les plus fédérateurs, d'une certaine façon, c'est sûr. Alors, je lisais quand même dans le projet de cette nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise et du Val d'Oise, faire de la jeunesse un des cœurs battants de l'apostrophe. Ça résonne bien avec ce qui vient d'être dit. C'est les projections pour le futur. Alors ça, pour le coup, faire de la jeunesse un des cœurs battants, je trouve que c'est pas nouveau. Et je vais rendre hommage à Jean-Joël Le Chapelain, parce que pour le coup, quand même, nos salles sont remplies de jeunes. Un tiers des salles, c'est Arnaud qui tient les statistiques, il sait tout. Un tiers de jeunes qui viennent beaucoup en dispositif scolaire, mais c'est quand même déjà très important. C'est parce qu'il y a ces... dispositif avec l'éducation nationale depuis très longtemps. Ce matin, j'accueillais des enseignants avec la responsable du rectorat et puis une intervenante artistique. Et c'est parce que beaucoup de jeunes viennent à l'apostrophe et qu'ils représentent la diversité du territoire que ça va être intéressant de pouvoir s'appuyer sur les enseignants et ces dispositifs, mais aussi les prospections nouvelles qu'on fait, pour pouvoir construire l'autonomie des jeunes en dehors du temps scolaire, sans les profs et les parents. Ce dont ils rêvent tous, on a des enfants adolescents parfois, en tout cas c'est le cas. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'ils comprennent qu'en effet, et on a un travail à faire là-dessus, le théâtre, une scène nationale, ce n'est pas qu'une culture qui est liée à l'école, et qu'il y a en effet, on revient sur la question de la musique, ou sur la question de la danse, même aussi sur la question du théâtre, quand on voit Ahmed Madani Flamme commencer à susciter l'engouement des adolescents, ces jeunes filles de banlieue qui se racontaient, des formes d'art qui leur parlent complètement, et qui parlent de leurs préoccupations. Et donc du coup, disons que ce qui est nouveau, c'est de travailler sur la question de l'autonomie, mais en partenariat, alors avec les parents et les profs, voilà. On finit avec Aurélie, avec tout ce qui vient de se dire. On est du côté du Forum de Vauréal aussi dans une dynamique de partenariat, je suppose appréciée, tant avec le présent que le futur qui va s'écrire pour la prochaine saison d'ores et déjà avec la scène nationale. Mais nous, on est ravis puisque, comme Feriel le disait, c'est un projet d'ouverture, en fait, d'ouverture sur le territoire, chose qu'on fait depuis quelques années, mais... Ce que je voulais dire par là, c'est quelque part une reconnaissance aussi au niveau d'une scène nationale de ce que peuvent apporter les musiques actuelles. C'est vrai que c'est un champ culturel qui s'est développé un peu plus tardivement, on va dire, que les autres champs culturels structurés tardivement. Et on est aujourd'hui vraiment dans la reconnaissance du travail qu'on peut faire sur le territoire pour un public qui est là et qui est demandeur d'une ouverture sur d'autres arts aussi. Et nous, c'est l'occasion aussi de pouvoir proposer des choses différentes. Feriel parlait d'enjeux artistiques. C'est vraiment aussi ça qui nous intéresse, Hervé et moi, et d'ailleurs toute l'équipe du Forum. Donc, politique de, quand je parle de dynamique de partenariat, là, on vient d'en citer un partenariat exceptionnel, effectivement, avec le Forum et avec le développement de son propre projet. Mais ça va s'élargir aussi à d'autres partenaires pour, dès la prochaine saison, Feriel Bakori. Alors, pour le coup, en plus des enjeux dont on parle tout le temps, des enjeux de fusion, puisqu'on sait que les deux équipes sont rassemblées, etc., je pense que mon équipe peut témoigner du fait que je passe un temps fou à rencontrer alors, des partenaires, qui sont les partenaires, j'ai envie de dire, actuels de l'apostrophe et du théâtre 95, mais aussi, en effet, on approfondit les relations avec certains partenaires. J'étais ce matin avec la maison de quartier des Louvrais, l'association La Ruche, un grand nombre de partenaires que je ne vais pas tous citer exhaustivement. On est évidemment très en lien avec le conservatoire. Voilà. En tout cas, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à rencontrer associations et nouveaux partenaires, beaucoup l'espace Sésame, en tout cas tout ce qui serait, j'ai envie de dire, peut-être, parce que c'est pas fini. Des partenaires culturels, mais aussi sociaux. C'est-à-dire que c'est vrai que mon projet, finalement, travaille la question de la diversité des populations. Donc, ça passe par des partenaires qui sont culturels, mais pas que. Et donc, du coup, l'idée là, qu'on est en train de travailler avec l'équipe, c'est qu'en plus des spectacles, un peu comme les scènes ouvertes seraient potentiellement la scène nationale autour des concerts, on travaille à la question de la vie du lieu avec des partenaires associatifs. Je vous donne un exemple concret et simple. Il va y avoir un temps autour de art et foot en démarrage de saison. Donc il y a trois artistes importants qui sont Michael Philippot, qui a fait un spectacle footballeuse, Mohamed El Khatib, qui a fait un spectacle dont on a beaucoup entendu parler, qui était Stadium, et une autre artiste, Véronica, dont le nom m'échappe, qui est allemande et qui fera un projet en espace public de situation avec des équipes de foot qui concernent, envie de dire, des sportifs et des non-sportifs. Et c'est vrai que là, autour de ça, on va travailler beaucoup avec des associations sport, pour donner un exemple. Donc, je ne peux pas citer toutes les associations de sport et de foot qu'il y a dans le département. Il y en a un grand nombre. Vous imaginez bien que ça va amener une synergie nouvelle sur la diversification des populations qui vont venir, qui est un travail de longue haleine. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir pour moi de rencontrer ces partenaires différents qui font la richesse du territoire, très clairement. Vous le savez bien, mon cher José. Merci à toutes les deux. Merci Aurélie Vandenborn, merci Feriel Bakori. On finit cet échange avec un titre extrait du nouvel album d'Albin de la Simone, en rappelant la date du concert, vendredi 9 mars, 20h30, à l'Apostrophe, Théâtre 95, Cergy Centre. Extrait de l'album L'un de nous. N'oubliez pas, sortie d'album le 24 février et concert indispensable le 9 mars prochain sur Cergy Pontoise. Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait, ne travaillait jamais. Paréo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un bal d'aquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour, le grand amour. Ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais abandonnée sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais. Jusqu'à ce jour de fin juillet, elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale, l'amour, le vrai, le beau, s'était barré au galop. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Je m'appelle Christophe Ruche, L-E-H-E-S, mais on prononce Dieu en occitan. Je suis originaire du sud-ouest de la France, plus exactement de l'Aveyron, un endroit où se parle encore la langue occitane, une langue qui se parle aussi à Paris, qu'on peut entendre à Paris parfois. Et je mets en scène, écrit, et joue la musique du théâtre du GDRA. Le GDRA, c'est un collectif que j'ai cofondé avec Julien Cassier, collectif de théâtre. Julien Cassier, lui, vient plutôt des arts du mouvement, du cirque, de la danse, de la voltige, de l'acrobatie. Moi, je viens plutôt de la musique et du texte. Et par ailleurs, on essaie au GDRA de mettre en œuvre un arrière-plan anthropologique, puisque j'ai longtemps été membre de l'école des hautes études en sciences sociales où je faisais de l'anthropologie. Et c'est quelque chose qui nous intéresse, de croiser les humanités scientifiques et les arts de la scène, de croiser le regard du documentariste, de l'anthropologue, et l'art de la mise en scène et de la chorégraphie. Voilà un peu pour une présentation en quelques mots. Alors, le sujet de votre spectacle, cette pièce traite à la fois de la diversité, on va le voir au travers d'ailleurs de langues, vous avez cité l'occitan, mais ça sera au-delà de l'occitan. Une pièce qui traite de la diversité, disais-je, et de la disparition des langues. Une occasion, et là c'est là où vous faites effectivement le lien avec votre histoire personnelle, celle de musicien, mais également de chercheur en anthropologie, ce qui est assez exceptionnel, et vous mettez ça à contribution dans cette création. Vous nous rappelez que les activités humaines ont un impact global sur l'écosystème, sur notre écosystème, et quand on parle de la biodiversité, d'ailleurs je lisais dans votre dossier de presse, il existe sur Terre une forte corrélation entre la biodiversité, on sait tous aujourd'hui quand on parle de biodiversité ce que cela veut dire, et vous dites qu'il y a une corrélation entre la biodiversité et la diversité linguistique, là où poussent les arbres se parlent les langues. Tout à fait. Vous pouvez préciser? C'est les travaux des linguistes qui nous éclairent sur cette question-là. Depuis 10 ans, les linguistes, et notamment Nicolas Evans, parlent de biodiversité linguistique et ont montré qu'il y a vraiment une occurrence très forte entre la carte de la biodiversité, faune, flore, et la carte de la diversité linguistique. Par exemple, le bassin amazonien, par exemple, Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, Australie, par exemple, la ceinture tropicale, sont des lieux où il y a énormément de diversité linguistique endémique et de diversité faune-flore. Mais attention, n'oublions pas que Paris, aujourd'hui, par exemple, où je viens juste d'atterrir, est bourré de langues aussi. aussi. Hein. Il y a une grande diversité de langues dans nos mégapoles, mais ce sont des langues de voyage, des langues de passage tout aussi intéressantes. Ce que l'on remarque, ce que les linguistes précisent, c'est que parmi les 6000 langues qui se parlent aujourd'hui sur Terre, il y en a près de 3000 qui vont disparaître dans les 100 ans à venir, notamment dans ces zones d'hyperdiversité biolinguistique. Donc la pièce évoque ce phénomène, mais traite plutôt des parcours de résilience ou des parcours d'abandon de langue. Sommes-nous prêts à abandonner ces langues? Sommes-nous prêts à en faire le deuil? Ces langues vont disparaître, donc il faut être prêt à accepter cette mort-là. Qu'allons-nous faire en tant que survivants à ces morts de langue? Sommes-nous prêts à transmettre de nouvelles langues? Sommes-nous prêts à observer la diversité des langues qui se transforment? Quelle attention porter à nos langues réciproques? C'est un peu ce dont traite la pièce. Oui, on parle de langue ancienne, on parle de langue vivante aujourd'hui, et aussi, comme vous le soulignez, de langue morte ou de langues qui sont en danger. Je lisais une source de l'UNESCO qui rappelle que sur les quelques 6000 langues qui existent encore dans le monde, plus de 200 langues se sont éteintes au cours des 3 dernières générations, et nombre de ces langues sont en situation critique, voire en danger aujourd'hui. Énormément de langues sont en danger. Là, j'arrive de Toulouse, ce week-end, je me rendrai dans l'Aveyron. Sur la génération de mon père, on a beaucoup de locuteurs. Sur la génération de mon grand-père, on devait avoir 90% de locuteurs. Et aujourd'hui, sur la génération avec mes enfants, il y a très très peu de locuteurs. On les trouvera en ville, à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, autour des instituts d'études occitans, autour de l'université. Mais la paysannerie locutrice de la langue occitane est grandement fragilisée. Alors d'autres choses s'inventent, je ne voudrais pas paraître pour un funeste sonneur d'alarme, d'autres choses s'inventent, les langues se transforment malgré tout, on peut en faire des spectacles, de ces bribes de langues qui apparaissent, on peut en faire des expositions, il y a beaucoup de façons de résilier et de raconter cette diversité des langues, même extrêmement fragilisées. Il y a beaucoup de façons d'espérer les défendre, d'espérer que des langues pourront naître à nouveau. Il y a beaucoup de façons de défendre la diversité, et les langues en sont une clé d'entrée, mais on peut aussi admettre la diversité de nos corps, la diversité de nos façons d'être, la diversité de nos façons d'aimer, de nos façons de tenir un verre, une tasse de café. Le GDRA est très attentif, le collectif que nous avons fondé, dans lequel j'écris et mets en scène, est très attentif à ces petits détails, c'est ça qui fait notre théâtre. L'ordinarité, le quotidien, il y a encore, heureusement, beaucoup de diversité à magnifier, à essayer de raconter. Absolument. Alors, vous nous proposez Lengas, un spectacle à la croisée des chemins et des disciplines artistiques, récits, musique, danse, cirque, vidéo. Et là, les langues se mêlent, s'entremêlent pour nous rappeler la richesse à la fois orale, vocale, mais aussi, je crois savoir que vous travaillez autour d'une mise en geste de la musique ordinaire de la langue. Oui. Quelle approche particulière avez-vous ? On aime beaucoup écouter les langues et considérer qu'on peut danser, musiquer les langues. Par exemple, au plateau, nous avons Lizo James qui vient d'Afrique du Sud. Il parle une langue très particulière, Isi-Kosa. La langue Kosa, c'est une langue à clics. Lorsqu'on décrypte cette langue et qu'on commence à jouer avec, on sent que la prosodie de cette langue permet beaucoup d'appui pour danser ou faire de la musique. Lorsque Lizo danse, il prononce des clics exactement comme lorsqu'il parle. Il y a aussi au plateau Maher, qui vient lui de Madagascar, il parle le merne. C'est une prosodie fascinante, extrêmement musicale, qui permet là aussi de danser, de musiquer. Cette attention aux détails de la langue, on l'apporte maintenant depuis que le GDRA existe, depuis presque 10 ans. D'autres que nous le font, je pense au metteur en scène Joris Lacoste, qui aime aussi jouer avec les langues, jouer avec le détail de la langue, vraiment. On aime beaucoup ça, on aime beaucoup ce travail-là. Au plateau, on est 4, et parmi ces 4 personnes, lorsqu'on les déplie, lorsqu'elles se déplient, il y a une dizaine de langues qui peuvent passer. Ça va de l'anglais au français, à l'occitan, à l'espagnol, en passant par les langues d'Afrique du Sud, le Kosa, le Dembélé, le Zoulou, en passant par les langues de Madagascar. Mais ce qui a été important pour nous, c'était alors jouer avec les langues, certes, mais restituer le contexte vécu de ces langues. Donc on est parti en Afrique du Sud, on est parti à Madagascar, et on a filmé les grands-mères de Liso et de Maher, qui sont au plateau avec nous, et on restitue des extraits d'entretien avec ces femmes. Comment ont-elles transmis ces langues? Quel intérêt portent-elles à leur langue? Donc ce sont aussi des récits de famille, des récits de filiation, mais des portraits de terriens, d'humains, de personnes qui vivent à Madagascar, qui vivent en Afrique du Sud, qui vivent en Occitanie. Jusqu'à défendre aussi, on peut parler de résistance, justement, par rapport à ce phénomène, ce qui est annoncé de disparition de langues qui vont s'éteindre les unes après les autres, si on n'y prend pas garde. Alors, résistance, oui, on peut parler de résistance, mais il faut être prêt. Il faut être prêt quand même à résister. On est en plein deuil. Hein. La mécanique est enclenchée. Pour vous, c'est inéluctable. Pour moi, c'est inéluctable, comme il est inéluctable qu'on a basculé, vous le rappeliez très bien il y a quelques minutes, dans l'ère de l'Anthropocène. Mmh. Il y a des philosophes comme Bruno Latour qui nous rappellent qu'on est dans une situation quasi post-apocalyptique, que déjà on vit dans une forme d'apocalypse joyeuse. Hein, dans laquelle il faut réussir à prendre la parole, il faut essayer de résister, il faut trouver des solutions pour tenir debout, oui, il y a de la résistance à mettre en jeu, sachant que de ces événements post-apocalyptiques, on ne va en prendre conscience là que dans les 100, 200 ans à venir de ce grand basculement dans l'Anthropocène. Mmh. On en voit les effets concrets de plus en plus, tous les ans un peu plus, dans des catastrophes écologiques, dans des inondations successives, dans des disparitions de langues, dans des disparitions d'ethnies au cœur de la forêt amazonienne, dans l'orpaillage amazonien qui pollue et qui empoisonne des milliers et des milliers de personnes, dans l'air que vous respirez à Paris et qu'on respire maintenant à Toulouse. On le voit, on voit les effets concrets de cet anthropocène. Il faut être prêt à tout ça, il faut en avoir conscience. Et oui, le mouvement me paraît inéluctable, même si on essaie tous de freiner. En même temps, on sait, on le constate dans la langue française, elle ne cesse de s'enrichir jour après jour. Des mots apparaissent, des mots nouveaux, des mots qui sont le fruit d'un métissage de langues aussi étrangères. Mais la langue française est forte. La langue française est une langue de colonisation, comme l'anglais, l'espagnol, le portugais, le chinois. Nous avons affaire là à des langues très très fortes, des langues qui ont influencé de nombreuses autres langues et qui sont influencées en retour, bien sûr, et qui s'hybrident, qui sont maintenant des hybrides, mais qui sont quand même des langues fortes, qui s'enrichissent, mais on voit bien que l'enjeu de désingularisation se situe autour de plusieurs foyers linguistiques. Je parle de l'anglais, je parle du chinois, qui sont quand même des langues de grande influence, et tant mieux pour ces langues, hein, qui sont des langues fortes, qui sont des langues d'empire, et qui gagnent en influence tous les jours. Et même si le français est une langue d'empire, je pense que, et qui s'enrichit, vous avez raison. Oui, avec les temps modernes en particulier, il y a plein de mots parfois anciens qui réémergent, et aussi de mots qui sont totalement innovant, se créer à l'occasion des bouleversements qui se passent en ce moment, à l'heure où on se parle sur cette antenne de radio. Alors, venons-en, vous avez déjà eu l'occasion d'avoir des retours du public qui a déjà assisté à des représentations? Oui, c'est la 40e représentation, je crois, donc lorsqu'on sera chez vous. Donc on a commencé quand même à avoir des retours, et ça, c'est plutôt très agréable. Étant donné que ce sont des histoires de vie, des histoires de famille que nous racontons, des histoires de transmission de langue, ça fait écho. Ça fait écho. Beaucoup de personnes nous disent, ça me rappelle le rapport empathique, affectif et linguistique que j'ai avec ma grand-mère ou avec mon grand-père. Ah, ça me rappelle le rapport que j'ai avec mon père, il n'a pas totalement transmis sa langue. Je pense que ça fait écho. Ça fait écho, et ensuite, le fait que cette pièce soit pluridisciplinaire, elle peut attirer l'intérêt ou le regard du spectateur à divers endroits. Qui aime la musique va pouvoir l'écouter plus particulièrement, qui s'intéresse plutôt au texte va pouvoir y être attentif. Qui aime le mouvement, l'acrobatie, la danse pourra aussi y être attentive. Donc on a des retours extrêmement pluriels à ces endroits-là. Deux occasions pour assister à ce spectacle, Lenga, j'ai bien prononcé? C'est très bien, soyons libres avec les langues. Mais un occitaniste vous dirait Lengo. Lengo. Le A est occlusif à la fin. Alors je dirais Lengo, alors. Ouais, Lengo, à l'affiche de l'apostrophe théâtre 95 à la salle Visconti à Cergy, les mardis 13 et mercredi 14 mars à 20h30. Et à l'issue de la première représentation du mardi 13 mars, il y aura une rencontre organisée avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation pour cette relation privilégiée avec le public. C'est ça, et avec plaisir. Un grand merci à vous. À bientôt à Cergy Pontoise. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Il nous faut conclure. Alors, eh bien, si vous êtes intéressé, et nous espérons que oui, pour toute information concernant les spectacles dont il a été question au cours de cette émission, pour toute réservation, je vous renvoie vers le site internet de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, à l'adresse suivante, le www.l'apostrophe, en un seul mot tout attaché, l'apostrophe.net. Il est possible de téléphoner également pour recueillir des informations et procéder à des réservations au 01 34 20 14 14. 01 34 20 14 deux fois. Remerciements à tous nos invités qui sont intervenus au cours de cette émission. Remerciements renouvelés à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements à Damien Gissat pour la réalisation technique. Une émission préparée et animée par votre serviteur et animateur José Guérin. J'aimerais avoir d'ailleurs une autre voix qui m'annonce, mais c'est toujours un petit peu, je suis curieux de s'annoncer soi-même, mais c'est ainsi. L'émission sera rediffusée samedi 17 février, c'est-à-dire samedi prochain, de 9h à 10h du matin, sur le 99.2 FM, mais également sur internet, à la bonne adresse, le www.radio-rgb.net, puis disponible en podcast à cette même adresse, et cela pendant des jours et des semaines et des mois. Votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe, ce sera le mois prochain, le mercredi 14 mars de 19 à 20h. D'ici là, je vous souhaite de vous sortir, de vous divertir, d'aller retrouver les équipes de l'apostrophe au Théâtre des Louvrets à Pontoise, au Théâtre 95 à Cergy et partout ailleurs, et aussi sur votre antenne de radio locale RGB sur le 99.2 FM. À bientôt. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.